Le fond du ciel joue d'un sot accordéon. Sa mécanique éternelle bruisse à l'horizon, où le souffle de l'eau et le rire de la vague associent 10 pipeaux des milliers de crécelles. Comme si une machine rebelle prenait entre ses bras ce bandeau néon étroit, où le rire du bleu, le souffle de la crue filerait un canevas de roc, de vert, de nu, 7 couleurs bleues alignées devant mes yeux. De blanc rare est couronnée la roche, le tonnerre du flux s'y jette et me réveille, m'apporte un éclair très proche sur le bord du soleil. Ses persiennes éblouissent, je cligne des paupières, la ligne de la mer est loin. Au bord du monde, symétrique, un miroir se perd, marine de ciel et de nuées blondes. Brise tiède de la route, étoile en m'étouffler, jazz noir et blanc, la radio sotto voce, par la fenêtre ouverte, chante le vent doux échevelé.